À l'occasion d'une cérémonie dans la cathédrale de Ouagadougou en Haute-Volta, la chorale du petit séminaire de Pabré chante une messe mossi dont la musique s'inspire de vieilles chansons africaines. Pour commencer, voici le Kyrie rythmé par deux tam-tams. Avec un...